Québec, partenaire de 16 ans. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à l'achat de thé ou d'accessoires chez Seb's Thé et Lounge au 67 boulevard René Lévesque Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Eh bien, bienvenue encore aujourd'hui, samedi 3 octobre, un spécial COP21 avec Dominique Bernier. Qui d'autre, avec qui d'autre, je rêverais de faire une émission sur COP21 à la veille de la signature, peut-être d'une entente de libre-échange aujourd'hui même, ou en fait de négociations importantes qui se passent à Atlanta. Mais nous allons parler de Paris, nous allons parler d'Alternativa. Et bien sûr, vous dire qu'est-ce que c'est qu'au juste COP21, qui est l'abréviation, en fait, si tu me corriges, Dominique, la conférence des parties, en fait, du 30 novembre au 7 décembre. Au 11 décembre. Au 11 décembre, aura lieu à Paris. La 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En fait, c'est cette 11e réunion, la conférence des parties, qui se réunit ensuite, on pourrait dire, du protocole de Kyoto, qui en 1997 a été une réunion importante où on devait, chacun des pays, mettre quelques objectifs réalistes ou pas pour s'attaquer à la guerre contre le changement climatique. Alors, un nouvel accord pourrait être signé, on pourrait, en fait, devrait être signé avec tous les pays participants à Paris, idéalement avant le 11 décembre, mais peut-être qu'il y aura quelques étirements. Tout ça pour qu'on soit sur un réchauffement mondial sous les 2 Celsius. Oui, effectivement. C'est quelque chose de très important. On le sait, au-delà de 2 degrés Celsius, on parle de bouleversements très, très importants à l'échelle de la planète. Bouleversements dont on sent déjà les effets, là, surtout dans certaines parties du monde plus arides, là, et dans les régions plus côtières. On sait que si on dépasse le 2 %, ça pourrait être très grave pour l'humanité. Ça pourrait être ce que certains nomment la fin de la vie civilisée, telle qu'on la connaît. J'aime pas trop le mot civilisée, mais l'idée étant que nos relations humaines telles qu'elles sont actuellement, telles qu'elles se passent actuellement, notre économie telle qu'elle est actuellement, pourrait s'en voir bouleversée substantiellement. Oui, sur ça, en fait, on peut comprendre que c'est depuis l'ère industrielle, comme tu dis, le monde civilisé, c'est supposément depuis l'ère industrielle. Ça fait pas si longtemps que ça. On parle des années 1800. Les années 1800, on dirait, bon, la première récession qu'on a vécue à Québec à cause de ça, c'est en 1850, quand on a ici, le long de la rivière Saint-Charles, les chantiers navals qui construisaient des bateaux en bois, se sont fait remplacer par des bateaux à vapeur, mais l'ère industrielle et à la vapeur a commencé bien avant ça, dans le monde, à Londres, en Angleterre, on parle des années fin 1700. Là, effectivement, puis en fait, Jean, ce qu'on remarque, c'est que tout ça est lié à l'utilisation des combustibles fossiles. Là. C'est des ressources qu'on extrait de la terre, le pétrole et le charbon, le gaz naturel aussi. Et ce faisant, on remet en circulation du carbone qui était capté, qui avait été capté par les végétaux il y a des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, et on le remet en circulation dans l'atmosphère sous forme de gaz carbonique. C'est ça qui est à la source des changements climatiques. Et ça, là, c'est quand on voit ça sur un graphique, on se rend compte que c'est vraiment un accident dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'à partir du milieu du 19e siècle, on a vu notre consommation d'énergie drastiquement augmenter, et ça fait une espèce de pic. Et ça, c'est quelque chose qui était inédit et qui probablement ne se reproduira pas par la suite une fois qu'on va avoir, selon ce qui vient en premier, épuiser nos ressources de combustibles fossiles ou transformer le climat à un point tel que ce sera plus possible de continuer comme on le fait. Donc, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais il y a un lien entre le capitalisme, l'austérité, les accords de libre-échange et le dérèglement climatique. D'ailleurs, j'aime tellement l'expression dérèglement climatique. Changement climatique, on devrait bannir ça de notre vocabulaire. Effectivement, dérèglement climatique serait plus approprié. Et oui, Jean, le lien est pas évident à faire pour la plupart des gens, mais quand on y réfléchit bien, ce qui se passe avec notre système capitaliste actuel, c'est qu'il est basé sur la croissance économique, la croissance du PIB. Et ça, la croissance du PIB, ben, c'est alimenté par toute une économie extractive, une économie basée sur la consommation à outrance de combustibles fossiles comme le pétrole. Et tant que ça continue comme ça, ça devient difficile, en fait, d'opérer la transition énergétique qui est nécessaire pour sauver le climat. Donc, il y a des liens très clairs entre le libre-échange, en fait, et cette question du changement climatique. Les liens sont, en fait, à plusieurs niveaux, mais premièrement, ce qu'on pourrait dire, c'est que les accords de libre-échange viennent favoriser les échanges, comme leur nom l'indique, les échanges, les investissements et les échanges entre les pays. Donc, ça favorise l'exportation. Et ça vient verrouiller, en fait, le droit des entreprises d'exporter et d'importer et d'investir là où bon leur semble, au détriment de la mise en place par des gouvernements de politiques basées plus sur une économie plus locale et une économie plus écologique aussi. On l'a vu notamment par le fait que les accords économiques permettent aux entreprises de poursuivre des États, et ces poursuites-là, elles se font très, très souvent pour contrer des lois et des règlements environnementaux. Au Canada, en particulier, il y a l'Ontario qui s'est vu poursuivre à plusieurs reprises et qui a toujours des poursuites en cours en vertu de l'ALENA, en lien avec sa loi sur l'énergie verte. Il y a plusieurs compagnies qui poursuivent le gouvernement du Canada parce que l'Ontario a adopté une loi sur l'énergie verte et que ces compagnies-là se sentent lésées. Et il y a des poursuites qui totalisent plus d'un milliard de dollars, là. C'est quand même substantiel. Ça fait en sorte que les gouvernements aussi viennent s'empêcher de voter des lois et des règlements pour protéger le climat. Un autre élément en lien avec ça, c'est aussi, en fait, le fait que l'argent qui serait nécessaire pour amorcer la transition énergétique dont le climat a désespérément besoin, et nous, les humains aussi, se trouve dans les paradis fiscaux. Et ça, c'est encouragé, en fait, par toute cette question de l'économie néolibérale et le capitalisme sauvage tel qu'on le connaît actuellement. On avance! Oui, on avance. On avance, on recule pas. si tu veux, Dominique, j'irai en pause musicale une suggestion de notre amie Marie-Christine Aubin, qui nous a préparé un reportage sur Alternativa. Donc après, on parle d'Alternativa avant de présenter le reportage de Marie-Christine. Énergie fossile, écrasée par les marchandises, Pachamama pousse des cris, l'espoir brisé comme en Arctique, la banque qui se mirage du progrès, on a perdu le cap. Les inégalités s'aggravent alors qu'on taffe comme des malades. Le climat se dégrade, les dégâts sont palpables et pourtant les citoyens baissent les bras. La course au profit égale carnage, ravage. Les pauvres paient la facture et les riches se gavent. On rase le paysage pour un centre commercial. T'as beau chanter la croissance, elle est insoutenable. Gaz de schiste, agrocarburant et nucléaire. Gardez ces fausses solutions, il faut tourner la page. Et face aux multinationales qui viennent nous prendre pour otage, crie power to the people, construisant d'en bas. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives de Bayonne. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives de Bayonne à Paris. On se mobilise. qu'on a la force et le courage et le cœur au bon endroit. On n'a pas peur de se mouiller, il est l'heure de passer aux actes. Attaquer les problèmes à la racine, changement radical. Assez de blabla, ça change quand il y a des résultats. On veut pas rester à l'écart, on veut rassembler l'âge. Viens, mets ta part le cœur à l'ouvrage pour un mouvement global avec un ancrage local. Climat, justice, élevons nos voix. Décisif, notre impact prépare la montée en charge pour la COP21 et bien au-delà. Éviter que des milliers de personnes se noient. Pensez à nos mots et nous en serons plus. Avec un tour de l'Europe sur des vélos multipasses, on galvanise sur presque 200 étapes. Alternativa, militer dans la joie. Allons changer le système et pas le climat. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. On se mobilise, en fait, c'est un peu la chanson thème d'Alternativa. Le fameux... Bon, de toute façon, commençons par expliquer ce qu'est un premier village. Alternativa a été créé à Bayonne le 6 octobre 2013. Donc, ça fait quand même quelques années que des gens se mobilisent de plus de 6 pays. Hein. On parle de la Belgique, l'Angleterre, la France, évidemment, puisque nous avions une reporter, une envoyée spéciale, Marie-Christine Aubin, à Orléans. Et ça, c'était il y a 2 semaines. Et la semaine dernière, le 26 septembre, des gens s'étaient donné rendez-vous à Paris pour une autre rencontre et avec des gens qui sont en vélo, des gens qui se réunissent. Il y a eu plus de 403 000 personnes, 403 121 que je voyais sur le site ce matin, qui se sont déjà impliquées dans une des nombreuses étapes qu'il y a eu dans les nombreux regroupements de plusieurs villes. Et ce qui veut dire que y a, tous ces gens-là se réunissaient pour combattre l'impuissance qu'on pense avoir par rapport aux chefs d'État qui se réuniront à Paris du 30 novembre au 11 décembre, comme on le disait, et des gens qui veulent faire la promotion de la transition énergétique, donc évidemment de se promener à vélo. Il y a eu depuis plusieurs semaines, Dominique, des mobilisations. Il y a jusqu'à 5637 kilomètres qui ont été parcourus par des vélocyclistes de 187 territoires et de 6 États. C'est quand même une grosse mobilisation. Oui, ça. Effectivement, Alternativa, c'est une mobilisation très très importante qui passe entre autres par un tour à vélo, comme tu l'as dit, Jean, qui a traversé 6 États à date, la France, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique pendant 4 mois. L'objectif d'Alternativa, en fait, c'est de se servir, entre autres, de COP21 comme d'un porte-voix pour faire connaître l'importance de opérer une transition énergétique importante et une transition en matière de société aussi, parce que en matière d'économie notamment. Parce qu'en fait, on s'attend pas à grand-chose de COP21. C'est ça la réalité. On sait d'ores et déjà que les États-Unis vont refuser tout accord qui pourrait être contraignant sur le plan légal. On sait que les pays se sont fixés des objectifs bien en deçà de Kyoto. Kyoto qui était un pas de bébé là en faveur du climat, qui était vraiment déjà pas très, très important. Donc, on s'attend pas à ce que les gouvernements signe un accord vraiment ambitieux. Et même s'il est signé, on sait que, comme le Canada s'est retiré de Kyoto, rien n'empêcherait des pays de s'en retirer aussi. Alors, en fait... Juste pour donner un exemple, Kyoto, en 1997, c'était de réduire d'au moins 5 % par rapport à 1990, entre 2008 et 2012. Alors qu'aujourd'hui, on parle de niveaux, comme le Québec a annoncé récemment, 37,5. Beaucoup de pays, comme en Europe, on parle de 40 % de réduction par rapport à 1997. Donc, et le Canada a longtemps été parmi certains leaders sous d'autres cieux que ceux qu'on connaît avec M. Harper. Il y a eu des objectifs qui ont circulé aux alentours de 30 % en 2030 par rapport à 2005. Mais la réalité est que le Canada a plutôt augmenté de 28 % depuis, et ça semble quasiment impossible si on continue avec le même la même utilisation des énergies fossiles au Canada. Il y a des gros changements qui doivent être faits, comme c'était soulevé cette semaine. Effectivement, Jean, et puis en plus, ces éléments-là, ces taux d'émissions-là là, qu'on pense à s'être améliorés au fil des années dans nos pays industrialisés, en fait, ça tient pas compte de toutes les importations qui viennent des pays du Sud, notamment de la Chine, parce que les émissions liées à la production des biens et services qu'on importe sont calculées dans les pays où la production est faite et non dans les pays consommateurs. Donc ça, c'est trompeur parce qu'en fait, il y a moins de production manufacturière ici depuis ce temps-là, donc on peut penser que nos émissions ont baissé, mais en fait, on a juste délocalisé notre production de gaz à effet de serre, si on peut dire ainsi. Et donc, je vous invite à aller visiter le site Attaque Québec, sur lequel il y a eu un spécial sur COP21 en janvier 2015, et où Dominique t'a écrit un texte très, très, très bien documenté qui nous parle justement des poursuites de certaines compagnies qui ont eu suite à des ententes de libre-échange. Alors, j'aimerais qu'on en reparle en deuxième partie de l'émission, après ce reportage en direct d'Orléans d'il y a deux semaines, Marie-Christine Aubin, que vous connaissez peut-être, qui a longtemps collaboré à Grain de Sable. Merci, Marie-Christine, d'être avec nous. La transition arrive, on sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. Nous sommes le 19 septembre 2015 et toute la France est occupée par un empire idéologique qui colonise le monde entier, le néolibéralisme. Le cynisme envahit tous les esprits. Tous? Non. Un village d'irréductibles optimistes résiste toujours à l'envahisseur. Et ce village, c'est Alternativa. Une gigantesque mobilisation citoyenne parcourt l'Europe et rassemble des milliers de citoyens qui souhaitent démontrer que des solutions locales existent et peuvent être mises en place dès maintenant pour réduire les émissions de GES et atteindre une plus grande justice climatique. Ce village itinérant est peuplé de 12 quartiers ayant chacun une thématique. Agriculture et alimentation, économie sociale et solidaire, finance, démocratie, en passant par l'éducation, le transport et l'habitat. En tête de la mobilisation, une dizaine de cyclistes qui fait un tour de France en vue de la COP21 pour sensibiliser décideurs et grand public aux solutions aux enjeux climatiques. Leur tournée prendra fin le 27 septembre à Paris. Aujourd'hui, Alternativa fait un dernier arrêt à Orléans, qui est à 3 heures au sud de Paris. Orléans, c'est la capitale johannique, où Jeanne d'Arc a libéré la France de la guerre de 100 ans. Une coïncidence? Peut-être. Et je suis en compagnie de Geneviève, responsable des bénévoles, organisatrice de l'événement. Bonjour Geneviève. Bonjour. Qu'est-ce que le Tour Alternativa? Pouvez-vous nous décrire un peu l'événement? Le Tour Alternativa, c'est un des événements, des très nombreux événements, qui est organisé dans le cadre de la préparation de la COP21. C'est la conférence internationale des nations en vue de trouver des solutions au dérèglement climatique. Alors cette COP21, elle est organisée par les nations, mais le Tour Alternativa, lui, il est organisé par des citoyens. Parce que on se rend compte que on ne peut pas laisser que aux politiques le soin de prendre des décisions pour les citoyens. On sait que c'est notre génération aujourd'hui et la seule qui devra prendre les décisions d'avenir pour l'humanité. Si on attend encore 20 ans pour prendre des décisions pour la planète, ce sera juste trop tard. Donc, combien de personnes sont derrière l'organisation de cet événement qui fait quand même le tour de la France? Alors, pour le Tour Tandem Alternativa, c'est des milliers et des milliers de bénévoles. On compte aujourd'hui les visiteurs des villages Alternativa et des accueils de chaque soir des cyclistes. On arrive à plus de 170 000 personnes qui sont venues les rencontrer. Pour ne serait-ce que l'étape d'aujourd'hui, on est déjà plus de 150 bénévoles pour simplement 2 jours. Alors vous imaginez, vous multipliez par 180 étapes. Voilà, ça représente des centaines de milliers de personnes qui se sont investies et qui prennent leur destin en main. Et donc ce sont des gens qui ont vraiment envie de mettre en place des alternatives. Quel genre d'alternatives on met en valeur ici? Alors, ce que nous proposent les nations, c'est de prendre des grandes décisions internationales. Et nous, on dit non. Bien sûr, il faut des décisions contraignantes pour le climat. Mais après, les adaptations, elles doivent être locales. C'est-à-dire que chaque territoire doit, en fonction de sa population, en fonction de ses habitants, en fonction de son climat déjà, trouver des solutions locales. Donc Sarah, bénévole à la Disco Soup d'Alternativa, qu'est-ce que c'est la Disco Soup? Alors la Disco Soup, c'est un mouvement citoyen qui a été créé à Paris par un groupe de personnes et qui a ensuite diffusé dans plein de villes en France. Et en fait, c'est un groupe de personnes qui veut lutter contre le gaspillage alimentaire en récupérant les rebuts de marché auprès des producteurs, auprès des supermarchés, pour les transformer donc dans l'espace public. On s'installe, on transforme ces rebuts, on fait des bons petits plats et en même temps on essaye de faire passer un message anti-gaspi en expliquant aux gens qui sont pas forcément sensibilisés à ça que des fruits ou des légumes un peu abîmés, on les jette pas mais on les transforme. Ou en essayant de leur dire voilà, quand tu as plein de fruits et légumes dans ton frigo, l'objectif c'est pas de racheter quelque chose pour faire une recette, mais c'est de trouver des recettes avec ce que tu as déjà. Donc en fait, c'est tout un... C'est un petit événement dans l'espace public où on invite les gens à cuisiner avec nous. C'est hyper participatif, donc tout le monde fait tout. Un peu à sa sauce, c'est hyper libre. Chacun s'investit à hauteur de ce qu'il veut donner. Et ensuite, on déguste tous ensemble. Je suis avec Cécile Démé d'Orléans en transition. Cécile Démé de Châteauneuf en transition, qui est une des villes dans l'agglomération d'Orléans. Châteauneuf en transition, c'est... Alors, Châteauneuf en transition, c'est une association donc, de citoyens qui est partie du constat que l'avenir, l'air de pratiquer un petit peu en termes énergétiques, climatiques, économiques. Et que on a du mal à avoir des solutions qui arrivent d'en haut, et donc on a rejoint un grand mouvement qui s'appelle le mouvement des villes en transition, qui est un mouvement international qui est parti d'Angleterre et qui part de l'idée que c'est aux citoyens de trouver des solutions pratiques par rapport à leur territoire pour essayer de préparer le monde de l'après-pétrole et le monde des crises qui arrivent. Donc l'idée en fait de ce mouvement, c'est d'essayer de se construire une vision positive de l'avenir, même si comme ça, quand on part des bilans et des constats, c'est pas très positif et ça donne pas tellement envie de rigoler, c'est de se dire quand même, on est ensemble et puis qu'est-ce qu'on peut essayer de faire de positif, comment est-ce que mon territoire va être demain, si on s'y met tous ensemble. Vous êtes Toilette sèche. Mais votre prénom Mon nom, prénom À part d'être toilette sèche. C'est parce que c'est l'alcool, hein. Donc, Marie. Donc, Marie. Et Nadia. Marie et Nadia. Vous êtes. Donc, je pensais que vous étiez participante, mais en fait, vous êtes bénévole pour l'événement. Vous avez l'air heureuse, en tout cas. Bonne petite bière sur votre table. Là. On est magnifique, on regarde, on a fait le tour des stands, entre une ou deux petites matrons de toilettes sèches. Actuellement, Dominique fait un atelier sur le concept, la méthode globale des toilettes sèches. Et on se disait qu'effectivement, c'est très varié, mais tout se recoupe et tout se regroupe. Et c'est ça qui est important. C'est ce qui est important. Oui. Justement parce qu'en fait, tous les problèmes sont interreliés. Donc, on peut difficilement parler d'alimentation sans parler de transport, sans parler d'énergie, tout est lié. De politique. Tout est lié. Voilà. Et là, on travaille, ça fait des petits maillons hein, qui vont faire une grande chaîne pour arriver à peut-être un monde meilleur. Là, c'est vrai que la thématique, c'est le climat. Mais effectivement, quand on y réfléchit bien, tout ce qu'on a ici, ça dépendra aussi du climat. La transition arrive, on sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à ta figure pour les alternatives de Bayonne à Paris, on se mobilise. Je suis avec Hilaire Lecornec, qui est un des organisateurs de l'Alternativa. Et on est en début d'après-midi, ça se passe plutôt bien, on a du soleil. Content de l'événement? Oh oui. Oui. Donc c'est beaucoup d'énergie dépensée, mais un plaisir d'accueillir tout ce monde. Et aussi un aboutissement, on voit que les choses sont en train de bouger, qu'il y a une prise de conscience et que les gens sont curieux de découvrir les alternatives. Et ça fait plaisir. On pratique avec les copains les alternatives au quotidien, le vélo, moins de voitures, chauffer moins la maison, des choses simples qu'on essaie de faire partager et de faire comprendre en fait. Donc ce qui compte, c'est pas tant le nombre de participants qu'il y a la qualité des échanges qu'on peut voir finalement. Il y a des curieux, il y a des nouveaux. Oui, alors c'est vrai qu'Alternativa, l'idée c'était aussi d'ouvrir au maximum de personnes, pas que aux convaincus, mais aussi à tout public qui est un peu curieux et qui fera aussi la masse et avancer les choses en fait. L'idée c'est vraiment de convaincre de nouvelles personnes que l'écologie c'est pas juste un choix que c'est pas un mouvement politique mais c'est aussi un choix de vie et quasiment c'est un choix obligatoire si on veut pas aller droit dans le mur quoi. Donc l'idée c'est ça, c'est d'ouvrir au maximum de personnes et qui viennent découvrir des choses simples qu'ils peuvent appliquer tout de suite en rentrant chez eux. Et pour vous, là, l'objectif est atteint parce qu'il y a des gens qui ressortent d'ici avec des solutions en main, c'est ça ? Alors, moi, je suis pas mal dans l'organisation, donc je suis pas dans toutes les discussions. Mais oui, clairement, il y a dans tous les discussions que j'ai eues ce week-end et avant, il y a vraiment des solutions et des gens qui prennent conscience de l'aspect participatif, des échanges en fait on peut apprendre des choses ensemble et faire évoluer les choses pas forcément de manière marchande quoi. Que ce soit pour l'entraide, pour réparer un vélo, que ce soit pour apprendre à cultiver son jardin ou réparer son ordinateur voilà, il y a vraiment plein de choses à apprendre au niveau de l'énergie, du transport, de l'éducation, de l'agriculture. Je voudrais savoir comment les gens peuvent vous suivre en dehors du week-end, là, en fin de semaine. Du week-end? Est-ce qu'il y a des pôles ou des lieux, des centres de ressources où les gens peuvent vous suivre sur Internet ou en vrai? Alors, il y aura un retour, que ce soit des photos, que ce soit des liens vers des associations qui ont participé à Alternative à l'Oreille. Justement, on pourra retrouver toutes les personnes qui ont participé. Et aller vers ces alternatives. Par exemple, moi je parle du vélo parce que c'est une cause que je connais bien. Il y a plusieurs associations qui réparent des vélos et qui aident les gens à réparer leur vélo eux-mêmes. Donc voilà, c'est des alternatives qui sont ancrées sur Orléans par exemple. Et on peut aller, chacun peut, même un débutant peut aller découvrir comment réparer sa crevaison, régler son frein et utiliser son vélo au quotidien. Donc c'est sur le site Alternativa 45 où on va trouver tous les exposants. Voilà. Qui peuvent être des ressources pour la suite. Tout à fait. D'accord. La suite des événements et... qu'on souhaite positif, voilà. Et d'aller de plus en plus en puissance. Tout à fait. D'accord. Et peut-être dernière petite remarque. Là, j'ai eu une discussion il y a 10 minutes avec des gens qui me faisaient remarquer à juste titre que les éclairages du Campo Santo étaient 24 heures sur 24, en pleine journée, les gros spots qui consomment quelques kilowatt-heure, il y en a plusieurs. Et voilà, je pense qu'après Alternativa, on va faire un petit retour à la mairie en disant voilà, on est des citoyens, on aimerait bien, on a pris conscience de ça et on aimerait bien que vous fassiez un effort en mettant une petite horloge qui permette de couper la lumière pendant la journée. Donc une action concrète. Collective, concrète à faire tout de suite. Voilà. Dès maintenant en fait. Dès maintenant, dès qu'on se repose un petit peu et la semaine prochaine, on fait une réunion, débriefing du week-end qu'on a passé ensemble et des actions concrètes et voilà, des, plein de choses qui peuvent encore se mettre en place. Merci pour votre témoignage et on va souhaiter un bon festival, bon événement. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives de Bayonne. 89.1. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à l'information alternative et l'actualité locale. On refait la une, vendredi 9h avec Dominique Lelièvre. Le grain de sable, samedi 13h avec l'équipe d'Attaque Québec, section Capitale Nationale. Le 8e continent, jeudi 9h avec Jean Cloutier. Et Futur simple, jeudi 17h30 avec Valérie Levé, François Grégoire et leurs coéquipiers. Du 8 au 18 octobre, Québec reçoit Michel Faubert, Stéphane Crête et la bande de René Lucier dans le cadre de la soirée d'ouverture. Murmures et torrents de la Grande Tortue avec Louis-Carl Picard-Sioui et ses invités. De grands entretiens avec Robert Lepage, Margaret Atwood, Russell Banks, Jean-François Lépine et plusieurs autres. L'opéra Pauline en version concert exclusive. Et de nombreux autres rencontres, événements et spectacles littéraires. Du 8 au 18 octobre, c'est Québec en toutes lettres. Avez-vous tout ce dont vous avez besoin pour voter le 19 octobre? Vous devriez avoir reçu une carte d'information de l'électeur d'Élections Canada qui vous indique où et quand voter. Si le nom qui y figure est inexact ou si vous n'avez pas reçu votre carte, composez le 1-800-463-6868 ou visitez élections.ca. Élections Canada a toute l'information dont vous avez besoin pour être prêt à voter. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% au Café Castello, 2909 Première Avenue. cafépremièreavenue.com. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Cet automne, l'équipe de Bazar vous offre un numéro consacré à la danse contemporaine de Québec. Un numéro qui vous fera découvrir ou redécouvrir cet art en mouvement, cet art accessible dans toutes ses extensions. Laissez-vous emporter. Suivez la trace des artistes. Trouvez Bazar gratuitement chez l'un de nos 300 partenaires participants de Québec et Lévis. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires. Eh bien oui, toujours intéressant d'entendre toutes ces propositions qu'on a. Mais une des solutions, c'est de consommer moins. Mm-hmm. On peut parler de l'énergie fossile, oui. Ceux qui sont en voiture puis qui nous envoient la main à l'heure actuelle, oui, vous êtes une partie du problème. Mais il y a aussi le fait qu'on, même ceux qui n'ont pas de voiture, sont toujours dans une situation de consommer ou de faire des choix qui ont un impact sur la planète. Donc, j'espère que concrètement, ce qui se passera, ces grandes rencontres de chefs d'État qui se passera fin novembre, début décembre, pour sensibiliser les gens que, dans le fond, chacun de nous, on est concerné. Et en fait, ceux qui seront sur place à Paris, on souhaite même nous-mêmes peut-être faire une émission avec les gens d'Attaque France sur place à Paris. Et on serait normalement les 5 et 6 décembre à Paris au village mondial des alternatives Alternativa, ou le village global ou génial qu'ils appellent. Où on pourra effectivement vivre pendant 15 jours à l'île Saint-Denis en pratiquant au quotidien les alternatives qu'ils prennent. Donc, des actions concrètes. C'est bien beau de dire, on suit au chef d'État pour signer des protocoles de Kyoto, mais quand même, il faut parler de sobriété énergétique et énergie renouvelable. C'est ce qu'ils feront, les gens d'Alternativa, sur place. Ils parleront de réparation et recyclage, tri des déchets et compostage, transport collectif ou transport doux, alimentation faiblement carnée, autrement dit, on essaie d'être le plus possible végétarien, mais c'est sûr que quand il fait froid, c'est un peu difficile d'aller chercher nos protéines ailleurs, mais oui, c'est possible de manger moins de viande, et ils vont essayer de le prouver sur place dans ce village génial, et fait de produits locaux, de saison, bio, issus de l'agriculture paysanne et durable ou du commerce équitable. Donc, de grands gestes de solidarité, de démocratie participative et d'engagement citoyen seront pris sur place au quartier Génial Alternativa, qu'on dit. Oui, Jean, puis en fait, c'est Alternativa et les autres mouvements du même type, on le sait, sont nés, en fait, de l'inaction des gouvernements dans les 20 dernières années sur la question des changements climatiques. Et ce qu'ils veulent, en fait, c'est, ils se disent, ça prend une prise en charge citoyenne. Il faut arrêter d'attendre après nos dirigeants qui sont trop souvent à la solde de la grande entreprise, à la solde des pétrolières. Et il faut prendre les choses en main et produire un système économique parallèle, appelé à prendre le relais de notre économie défaillante là, en matière, notre économie carbonée aussi. Il y a d'autres initiatives du même type. Tu parlais de consommation de viande, tu parlais d'agriculture. On sait que l'agriculture est responsable du quart des changements climatiques, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, participe notre agriculture industrielle grandement à la question des changements climatiques. Il y a l'organisation Grain, en fait, qui est une organisation mondiale qui fait partie de la Via Campesina, axée sur le développement d'une nouvelle agriculture qui profite, en fait, un peu de la mouvance mondiale là, pour une prise de conscience, une prise en charge de la lutte au changement climatique pour proposer à l'occasion de la Journée mondiale pour la souveraineté alimentaire le 16 octobre prochain un documentaire qui nous explique comment ensemble nous pouvons refroidir la planète. Et ça se fera, entre autres, par une agriculture locale et paysanne moins énergivore. Puis il y a toutes sortes d'actions intéressantes aussi, comme Attaque France, qu'on parlait tout à l'heure, c'est un peu notre grand frère fondateur. Effectivement. Bien, ils ont sorti une initiative vraiment des plus originales d'aller faire un sit-in à la Banque nationale, à la BNP, mm-hmm. À Paris, où ils ont cueilli 12 chaises. D'ailleurs, on les voit photographiées devant le siège social avec leurs 12 chaises. Et leur objectif d'ici le 30 novembre, en fait, c'est d'obtenir 196 sièges, soit l'équivalent des pays ou des chefs d'État qui ont été invités. Exactement. Et je remarquais, hein, on parle beaucoup du pape ces temps-ci, là, Laudato si, là, le fameux l'encyclique que le pape François Ier a écrit et qui a vraiment un impact. J'interviewais David Suzuki en début de semaine, puis il me disait que selon lui, c'est un des plus grands écrits qu'il a jamais lu de sa vie. Mm-hmm. Et c'est pas David Suzuki a pas fait sa crédibilité en parlant de religion toute sa vie, hein. C'est plutôt lui-même un grand prophète de malheur qui nous a tellement sensibilisés avec l'émission de CBC Nature of Things et tous ses écrits et ses 56 ouvrages qu'il a co-écrit. Et bien, lui me disait. C'est un des choses qui l'a le plus marqué. Et j'ai remarqué, le Vatican n'est même pas signataire du protocole de Kyoto. Alors peut-être qu'il signera quelque chose à Paris. Oui, concernant cette action de réquisition des chaises, il y a vraiment, c'est un appel citoyen à la réquisition de ces 195 ou 196 chaises qui représentent une par pays membre des Nations Unies. C'est quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, l'idée, c'est de mettre sur la... alerter l'opinion publique sur le fait que l'argent nécessaire à la transition, il est là, il existe, mais il est caché dans les paradis fiscaux. Donc, c'est par les grandes banques, en fait, qui réquisitionne en fait, qui nous prive de cette capacité financière d'opérer la transition. Et on sait que le Fonds mondial pour le Fonds vert, dans le fond, pour le climat, à l'échelle mondiale, manque d'argent. Et les gouvernements, paraît-il, n'ont pas les 100 milliards que ça prendrait, qu'il faudrait mettre dans ce fonds-là. Ils souhaitent plutôt faire appel à des prêts bancaires pour renflouer ce fonds-là, alors que c'est notre argent qui est caché dans les... Oui. C'est de l'argent qui n'est pas payé en impôts, qui est caché dans les paradis fiscaux. Donc, d'où cette action très, très importante. L'idée de réquisitionner des chaises, c'est comme, c'est une saisie qu'on vient faire au mais banc. Mais ici à Québec, où tu irais, toi, saisir des chaises? On irait au Parlement ou devant un siège social de banque ou devant un siège social de pétrolière, devant chez Petrolia, ici, sous le pouvoir Charest? Ben, je pense que les banques sont des acteurs très, très importants. Et les banques aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une campagne de plus en plus importante pour les inciter à cesser d'investir dans les énergies fossiles. Parce que l'argent, il est placé là aussi. Puis ça vient alimenter la filière carbone qui vient avoir un impact très, très important. Donc, c'est une action ludique, réquisitionner des chaises, mais c'est une action de désobéissance civile importante. On sait, il y a eu des arrestations, les faucheurs de chaises. Ah oui? Certains d'entre eux ont été arrêtés en France. Et ce que ça leur permet, c'est de se servir du procès qui va avoir lieu comme d'une tribune. Tribune pour faire idée. Valoir leurs idées. Bon, il faut avoir le courage, hein. Il faut avoir le courage de se faire arrêter et de le faire, mais cette tribune juridique-là permet de mettre sur la table les arguments de fond contre l'évasion fiscale qui fait perdre, là, selon le Tax Justice Network, 20 000 milliards de dollars par année à l'échelle mondiale. Et plusieurs milliards au Canada, c'est difficile à estimer encore. On parle de quelques dizaines de milliards au Canada. Et dont, dernièrement, la semaine passée, il y avait un mandat d'initiative à l'Assemblée nationale sur l'évasion fiscale. On parlait d'au moins 800 millions pour le Québec, mais c'est certainement beaucoup plus. De toute façon, c'est toutes des compagnies transnationales, plus que internationales, hein. C'est que ça, on pourrait ouvrir un grand pan à savoir est-ce que les entreprises ont beaucoup de pouvoir sur les États. Et je pense que Dominique Bernier est bien placé pour nous répondre à ces questions-là sur toutes ces poursuites que tu nous énumères dans un texte qu'on retrouve dans le bulletin d'Attaque Québec. Vous savez, le bulletin, non? Depuis les tout débuts d'Attaque Québec, le bulletin a été et reste un outil privilégié d'information sur les luttes que nous menons, que Attaque Québec mène, et il constitue surtout un outil d'éducation populaire important parce qu'il situe ces luttes dans leur contexte économique, politique et social, mais surtout, il est un facteur de motivation parce qu'il montre qu'au-delà du fatalisme, il existe des solutions et des alternatives. Et un des bels exemples de ça, c'est le spécial qui a été fait en janvier 2015 dernier par Attaque Québec sur ce qu'on pourra dire COP 21. Il y avait un très bon texte de Dominique, bien sûr, mais j'aimerais qu'on parle aussi dans ce spécial qu'on a appelé « Climat, changer des caps », le texte de Monique Jeanmar, ou comment on prononce son nom, en fait? Monique Jeanmar, oui, qui est la rédactrice en chef du bulletin. Il y a aussi un excellent texte de Roger Lanoux, Roger Lanoux, il faut savoir que c'était le vice-président de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, commission qui a remis un rapport excellent, malheureusement tout de suite tabletté par le gouvernement, mais qui préconisait la sortie du pétrole, notamment. Oui, oui. Donc, dans le texte de Monique Jeanmar, se situer du bon côté de l'histoire, elle nous réfère à des statistiques qu'on devrait connaître. Ça a peut-être changé depuis, mais essentiellement, le Canada est toujours aussi cancre qu'il a toujours été depuis l'avènement du gouvernement Harper. Parce qu'il faut comprendre que quand même, du temps des libéraux, Stéphane Dion a été un grand ministre de l'Environnement, et c'est là qu'à Montréal, on a eu le COP 11. D'ailleurs, hein, on est rendu au COP 21, mais il y a 10 COP, la grand-messe était à Montréal, puis il y avait de grandes avancées à Montréal qui ont changé notre monde. Alors, c'est possible, le Canada, de jouer un rôle de Boy Scout, comme il a toujours joué dans les relations internationales, mais de jouer un rôle aussi en environnement. Alors, il y avait 182 pays sur 192 qui ont signé ce qu'on pourrait appeler le d'ailleurs, comment est-ce qu'on l'a appelé? C'était pas le protocole de Montréal, mais c'était l'entente de Montréal, je crois bien. Oui, c'est ça. Et on avait réussi quand même à rallier de grandes décisions. Mais le Canada aujourd'hui est 58e sur un classement de 61 parmi les grands émetteurs de gaz à effet de serre. Classement fait par German Watch et le réseau Action Climat. Le classement est fait en fonction de la volonté des pays de lutter contre les changements climatiques et le Canada se classe juste avant les trois derniers, on devine. Mm-hmm. Hein, on veut pas normalement être associé à ces pays-là. Le Kazakhstan, l'Arabie Saoudite et l'Australie. L'Australie, c'est parce qu'ils ont reparti la production du charbon après l'élection d'un gouvernement conservateur, justement dont Stéphane Harper, c'est son idole. Je nommerai même pas son nom de peur que vous ayez fait des recherches et que ça devienne votre idole, vous aussi, en Australie. Oui, c'est vrai. Puis, en fait, on le sait, le Canada est un cancre en matière de lutte au changement climatique à l'échelle mondiale, en raison, entre autres, de la production de sable bitumineux et du transport énergétique par pipeline et tout ça. Et d'ailleurs, il y a la campagne Coule pas chez nous, vous savez, cette campagne qui a fait parler d'elle beaucoup lors du passage de Gabriel Nadeau-Dubois à l'émission Tout le monde en parle. Ah oui, c'est vrai, ils ont ramassé de l'argent. Oui, qui a permis de ramasser plusieurs centaines de milliers de dollars pour cette campagne-là. En fait, qui a produit un baromètre électoral, parce qu'on est en campagne électorale et je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jean, mais moi, je trouve que la question des changements climatiques, on n'en entend pas assez parler pendant cette campagne-là. C'est quelque chose de... Heureusement que le Bloc québécois a fait une vidéo très controversée, laquelle je n'appuie pas vraiment, mais que ça a vraiment lancé le débat où on voit un pipeline qui coule, qui se déverse et qui forme un ICAB. Ça a relancé le débat et malheureusement, heureusement, pour certains partis, ça a eu des effets vraiment importants. Alors qu'on devrait parler, comme Elisabeth May disait dans les débats, de changement climatique. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça, finalement. Oui, c'est certain. Et puis, bon, sur le baromètre électoral, ce qu'on peut dire, c'est que le Parti vert se classe premier selon la campagne Coule pas chez nous en matière d'enjeux énergétiques et de transport de l'énergie, de transport du pétrole notamment et du gaz. Le Bloc québécois obtient quand même un bon score avec 75%, suivi par le NPD à 57,5%, les libéraux 45% et les conservateurs qui n'ont tout simplement pas répondu aux questions proposées par la campagne, donc on comprend que ça fait pas partie de leurs priorités, leur absence de réponse en dit long. Donc, c'est un enjeu qu'on aimerait voir mis de l'avant davantage parce que ça nous concerne tous et toutes. C'est quelque chose qui influe sur le présent et qui va influer sur l'avenir aussi. Bien sûr, et donc dans le texte de Monique qu'on faisait référence tout à l'heure, il faut réduire les émissions mondiales de 40 à 70% d'ici 2050. Alors que les chiffres qui circulent ces temps-ci, on parle aux environs, en tout cas pour les Européens, les Québécois, aux environs de 40% d'ici 2030. Oui. Parce que les concentrations de GES dans l'atmosphère ont atteint les niveaux les plus élevés depuis 800 000 ans. Et si cette tendance se maintient, c'est un terme très électoral, les impacts seront irréversibles. Mais cette tendance n'est pas une fatalité. Éviter le pire est possible, mais implique un virage sans précédent dans l'histoire de l'économie mondiale. Et d'ailleurs, c'est surprenant d'entendre le ministre de l'Environnement du Québec commencer une conférence de presse en disant « ça sera pas facile ». Et d'entendre Stéphane Guilbeault d'Équiterre, hein, un porte-parole qui suit beaucoup ce dossier-là, dire qu'effectivement, ça sera pas facile, mais c'est possible. Il y a de l'espoir, il y a des solutions, il y a des exemples de choses qu'on peut faire, Dominique, pour atteindre ces objectifs qui semblent tellement impossibles et inaccessibles. Oui, c'est certain qu'il y a des choses qu'on peut faire. Et puis, on sait que le GIEC préconise, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, la sommité en matière de changement climatique, préconise, lui, une réduction de 40%, mais d'ici 2020. Pour éviter que le climat ne s'emballe. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi, d'une certaine manière, une opportunité. Ben oui. Et c'est une opportunité... d'en parler, en tout cas. C'est une opportunité d'en parler, mais c'est aussi ce qu'il faut savoir, c'est que, comme Naomi Klein le dit, ça nous offre l'opportunité de modifier notre système économique, parce que c'est notre système économique qui est à la source des changements climatiques, mais ce système économique-là ne fait pas que changer le climat. Il cause une pauvreté extrême chez une grande couche de la population. Les inégalités sont croissantes. Il y a des désastres écologiques autres que ceux du climat aussi qui sont liés à ça. Alors, la lutte contre le climat, la mobilisation peut être une opportunité unique, en fait, pour modifier en profondeur notre système économique et en faire quelque chose de plus juste, mettre la finance notamment et l'économie au service des gens et non l'inverse, comme c'est le cas actuellement. Et d'ailleurs, Naomi Klein, que tu mentionnais, elle lance un film la semaine prochaine à Montréal, associé avec Attaque Québec, en fait. Tout peut changer. Je voulais passer un extrait du film, mais c'est en anglais avec sous-titres en français. Donc, oui. À la radio, ça fonctionne pas tellement. Là. Effectivement, le film est toujours en anglais. Il est sous-titré. J'imagine qu'on va avoir droit à une version française sous peu. C'est un film qui a été réalisé par Avi Lewis. La narration est faite par Naomi Klein, puisque le film se base sur le dernier livre de Naomi Klein qui s'appelle « Tout peut changer », comme le documentaire. Oui. En anglais, « This changes everything ». Donc, c'est un documentaire qui a été filmé durant 211 jours de tournage, est allé pendant des années dans 9 pays et sur 5 continents. Et qui va illustrer la thèse qui a été développée par Naomi Klein dans son essai « Tout peut changer », qui dit que la crise climatique, comme je le disais, est une chance de transformer notre système économique défaillant en quelque chose de radicalement mieux. Donc, c'est un film à voir. On espère l'avoir prochainement. On travaille fort pour l'avoir prochainement à Québec. Oui. Mais pour l'instant, le lancement du film va avoir lieu le lundi 5 octobre à Montréal. Oui, donc ceux qui sont de passage à Montréal, où il y a peut-être possibilité, en tout cas, au moins d'avoir la bande-annonce en allant sur le site d'Attaque Québec. Si vous cliquez sur l'événement, vous aurez accès au site qui fait en sorte qu'on se retrouve finalement à pouvoir au moins entendre une bande-annonce. Et ça donne le goût vraiment d'aller voir le film et espérons une version française à Québec qui pourrait être diffusée par les Amis de la Terre. Vous connaissez ces débats, projections, discussions, mais je sais qu'ils ont déjà une programmation très, très intéressante. Et d'ailleurs, c'était lundi dernier l'or noir de Yann Jacquier que j'animais, puis il y a eu une trentaine de personnes qui sont venues. C'était très, très intéressant d'entendre les commentaires. On y reviendra éventuellement. Je voulais quand même qu'on fasse référence encore au texte de Roger Lanoux, « Climat, quoi changer au Québec? » Parce que dans le fond, c'est bien beau de parler de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se fait. Des exemples scandinaves sont intéressants à donner ici, puisque ça existe des pays qui ont fait les efforts. Même la Norvège, qui est un grand producteur de pétrole, qu'on pourrait dire comparé au Canada ou à l'Alberta, en fait, eh bien, ils ont pris un virage. Ils ont effectivement un fonds vert qui investit beaucoup. D'ailleurs, une anecdote, j'étais au cocktail d'Équiterre mercredi dernier à l'Assemblée nationale avec Stéphane Guilbeault et à un moment donné, deux hommes d'affaires très connus à Québec sont arrivés, mais moi, je ne les ai pas replacés tout de suite. Evan Price, de la famille Price, qui est d'Auberge Saint-Antoine, mais surtout de Solutions CO2. Et Jean-Yves Germain, propriétaire des hôtels Germain, que vous connaissez sûrement à Québec, et il demandait des hôteliers qui voulaient avoir accès au fonds vert pour des projets qu'ils auraient, peut-être tout ça. Puis ils disaient, on cherche les définitions des critères du programme, comment demander, puis ça n'existe pas. Et Stéphane Guilbeault leur expliquait que oui, il y a certains critères qui existent, certaines priorités, mais donc c'était intéressant d'assister à une conférence où si les gens d'affaires de la trempe de Evan Price et M. Germain parlent avec Stéphane Guilbeault, comment eux pourraient faire leur part. Bien, il y a de l'espoir. Mais au Québec, qu'est-ce qu'on devrait faire si on était un ministre de l'Environnement? Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Les recommandations de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec m'apparaissent encore tout à fait pertinentes. Premièrement, éliminer le mazout comme source de chaleur. On sait qu'il y a beaucoup d'édifices gouvernementaux, commerciaux et aussi de résidences qui fonctionnent toujours au mazout. Or, il n'est pas possible actuellement. Il n'y a pas d'incitatif gouvernemental clair pour éliminer le mazout comme source de chaleur. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire absolument. Prioriser le transport en commun et le transport actif. Une partie des 18 milliards qui sont accordés en subvention aux infrastructures routières était dédiée de manière plus systématique au transport en commun et au transport actif, ça ferait déjà une grosse différence parce que la plus grosse proportion s'en va dans les routes. Là. Puis ça vient des taxes sur l'essence, mais ça sert à rénover les routes principalement. À aménager le territoire pour faire en sorte de réduire l'étalement urbain puis d'assurer des services de proximité pour que les gens aient moins besoin de la voiture. Ça va de soi. Il y aurait aussi de faire en sorte que les normes de construction soient changées pour que la performance énergétique des bâtiments soit améliorée, pour qu'ils perdent moins de chaleur, qu'on arrête de chauffer le dehors, comme on dit. Et ensuite, ben, en fait, il y a agir d'une manière à financer les secteurs les moins polluants, les aider à prendre leur essor tout en réduisant les subventions aux industries polluantes et même en les éliminant. Donc, il y a la possibilité d'aider en fait l'industrie bois-énergie sur les résidus forestiers. C'est quelque chose qui est développé ailleurs au monde, en Europe, en Ontario notamment. Il y a plein de choses qui peuvent être faites par les gouvernements, mais ce qu'on voit actuellement, c'est très peu de... des mesures timides, en fait. Ce sont des mesures vraiment insuffisantes qui visent à donner l'impression qu'on fait ce qu'il faut, mais en fait, sans faire grand-chose pour modifier notre économie. Ça prend un changement en profondeur, Jean. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Oui, puis c'est pas ça à quoi qu'on assiste là actuellement. Tout à fait. Et on revient souvent aux priorités régionales. Puis l'industrie du bois, par exemple, en Ontario, ils ont eu cette initiative d'utiliser les résidus forestiers pour en faire du bois énergie, en fait. Et vous savez, les deux grosses boules blanches qu'on a dans le port de Québec, ça sert à entreposer, justement, ces résidus forestiers ontariens, alors qu'au Québec, on est en train de faire la même chose, finalement, alors que ça aurait dû être fait il y a bien des années. Donc, c'est un bel exemple. Si concrètement, dans le port de Québec, bien, au lieu de faire venir ça par train pour exporter par bateau par la suite, ça pourrait être des producteurs forestiers. En guise de conclusion, justement, le texte de Roger Lanoux, auquel tu faisais référence, Dominique, nous dit que, dans le fond, bref, l'émission des gaz à effet de serre ne pourra être réduite qu'avec la diminution de consommation de combustibles fossiles. On en revient toujours à la même lutte, là, que le transport, c'est trois quarts de notre énergie est utilisée fossile, est utilisée par le transport, finalement. Oui, ici au Québec, le transport est le principal facteur, étant donné, bien sûr, qu'on parcourt des grandes distances entre les villes, on n'a pas une densité de population équivalente à celle qui a lieu en Europe. Donc, effectivement, le transport, c'est un gros morceau. Et tant qu'on s'attaquera pas sérieusement à ça pour favoriser le transport collectif puis le transport actif, on verra pas le bout, là. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel, puis en même temps, c'est quelque chose qui vient dynamiser nos communautés. Donc, c'est gagnant-gagnant. Dominique, j'aimerais avant qu'on se quitte, de parler d'une soirée relation qui se fera le 14 octobre prochain, mercredi 14 octobre prochain, de 19h à 21h30, en collaboration avec les Amis de la Terre de Québec. Tu seras une des invitées, Dominique, en tant que militante écologiste et altermondialiste. Il y aura François L'Italien aussi, sociologue, chercheur à l'Institut de recherche en économie contemporaine, et Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de la revue Relations. D'ailleurs, j'incite les gens à aller lire la revue Relations. J'étais impressionné par le nombre de textes engagés qu'on y retrouvait. Ça, c'est une nouvelle façon de faire de ce groupe Relations, d'organiser des soirées de débat sur le thème, par exemple, sortir des impasses du progrès. Ben, en fait, les soirées Relations existent depuis quand même assez longtemps, et c'est vraiment des moments très intéressants de partage d'informations. Ça fonctionne toujours sous forme de panel avec, en général, trois invités sur un sujet. C'est un sujet progressiste en général. Donc là, actuellement, ça va être la prochaine soirée relations le 14 octobre sur les impasses du progrès. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Ben, j'espère. Vous savez que tu t'exprimes tellement bien, Dominique. Moi, j'ai le goût d'y aller déjà, puis d'aller poser des questions à M. François L'Italien, qui sera probablement un de nos invités prochainement. Un animateur de Sequoia, je crois, qui faisait ce genre d'émission-là avant. Donc, j'ai bien hâte de le rencontrer. Et nous, ben, on vous dit qu'il y a une rumeur qui circule que la prochaine Assemblée générale annuelle d'Attaque Québec se ferait le 7 novembre et non pas une autre date que j'avais mentionnée. Donc, mettez ça à votre agenda. Ça se fait à Montréal. Je pense que ça va avoir la peine. Peut-être qu'on essaiera de faire l'émission là-bas, d'ailleurs. Merci beaucoup à tous. On vous laisse avec les JIC contre-attaque sur les ondes de CKRL. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Kalachnikov, la compagnie, oui. A décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces ouais, de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Le oh my god, qu'on est rendu loin! Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, oh Star god. Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... Attention, attention. Nous interrompons momentanément la programmation régulière, car nous venons tout juste d'apprendre qu'après 30 ans de loyaux services, le Bal du Lézard fermera ses portes le 27 septembre pour une période déterminée. Le bal fait peau neuve pour la 6e fois. On vous attend le 8 octobre prochain dès 17h pour la réouverture. Le Bal du Lézard, toujours la même ambiance dans un nouveau décor. 1049 3e avenue, Limoilou. Eh ben ouais, ben, tant mieux, hein, c'est tout ce qu'on pouvait te souhaiter de mieux. Mais et alors voilà, ça reflète bien ton univers. 10 musiciens, donc des instrumentales très très riches en termes d'instruments. Est-ce que c'est ton esprit collectif ou qui fait que vous êtes nombreux sur scène? Ou est-ce que c'est le fait que t'aimes toute une diversité d'instruments aussi, que t'avais envie que ça se retrouve sur tes chansons? Stéréo Local, animé par Jessica Leb, tous les jours dès 15h30. Pour vous aider à faire votre choix aux élections fédérales 2015, l'équipe de CKRL 89.1 s'associe à monlimoilou.com et Équiterre afin de vous convier à un débat présenté le mardi 6 octobre, 19h à 21h, au centre Jean-Guy Drolet, 16 rue Royale-Roussillon. Vous aurez l'occasion d'y entendre 5 des candidats de Beauport-Limoilou. Denis Berbéry, du Bloc, Antoine Bugeaud, du Parti libéral, Aloupa Clark, du Parti conservateur, Raymond Côté, du NPD et Dalila Elak, du Parti vert. Vous ne pouvez pas être sur place? Le débat sera diffusé en différé sur CKRL 89.1 le vendredi 9 octobre dès 10h. Le gala et l'autre gala de la disque reviennent cette année pour récompenser les artistes et artisans du milieu du disque et du spectacle québécois. Olivier Robillard-Lavoux tiendra la barre de l'autre gala alors que Louis-José Houde animera le gala pour une 10e année consécutive. Qui remportera les prestigieux prix Félix? Écoutez l'autre gala et le gala de la